بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس الواحد والثلاثين Bienvenue ô mes chers frères pour ce cours ce 31e cours dans l'explication de Umdat al-Ahkam, Kitab al-Salat, l'explication donc du livre Umdat al-Ahkam, le chapitre de la prière. Wa hadhihi al-majalis qad ishtaqna ilayha. Et certes, ces assises, elles nous ont manqué. Ces assises qui nous permettent d'augmenter notre foi, augmenter notre connaissance de notre religion pour nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Marhaban bikum. Alors bienvenue les frères fi hadha al-masjid al-mubarak, dans cette mosquée bénie. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous permette de profiter pleinement de ses bienfaits. Fa nabda'u al-yawm fi babin jadid. On commence aujourd'hui un nouveau sous-chapitre inshallah ta'ala. L'auteur qui nous dit babu sifati salat. Le sous-chapitre concernant la description de la prière. وَمَعْرِفَةُ صِفَةِ الصَّلَاتِ أَمْرٌ مُهِمٌ. La connaissance de la description de la prière est un sujet important. أخرج البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a cité dans son recueil, selon Malik ibn al-Huwayrith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez comme vous m'avez vu prier. » Izan al-mas'ala muhimma. Et donc le sujet est important. « Alayna an nata'allama kayfa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam a yusalli. » Et donc nous devons apprendre comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. وللأسف الشديد أن بعض الناس تركوا هذه التعليمات النبوية فتراهم يحرصون أشد الحرص على معرفة كيفية صلاة شيخهم. Et malheureusement, beaucoup de personnes ont délaissé ces enseignements prophétiques. Alors, on les voit s'efforcer de la plus grande façon afin d'apprendre comment leur cheikh ou leur enseignant priait. Comment leur cheikh ou leur enseignant priait. فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَ يُصَلِّي شَيْءَ الشَّيْخ الْفُلَانِ. Et donc il veut prier comme tel cheikh il priait. Comme tel cheikh il prie, l'individu veut faire la même chose. لِذَا تَرَ بَعْضَ النَّاسِ أَحْيَانًا يُصَلُّونَ بِطَرِيقَةٍ خَاطِئَةٍ فتذهب إليه تنصحه لله تقول له يا أخي هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينظر إليك ويقول لك نعم ولكن شيخي له طريقة أخرى. C'est pour ça que certaines personnes, tu vas les voir, ils prient d'une façon qui est incorrecte, et donc tu vas les conseiller pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dis ya akhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait comme ça. Il te dit, oui, je sais, mais mon cheikh, lui, il priait d'une autre façon. Et cette parole, elle est dangereuse. Cette parole, elle est très dangereuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, taraktu fikum shay'ain. Lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima. Kitab Allahi wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses. Vous n'allez point vous égarer si vous vous accrochez à ces deux-là. Le livre d'Allah et ma sunna. Le livre d'Allah et ma sunna. Il n'a pas laissé Abdul Karim ou Cheikh Foulan. Le livre d'Allah et ma sunna. قال الله تبارك وتعالى Allah le très haut qui nous dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce avec quoi le prophète vous est venu, alors prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, alors délaissez-le. إذن لا يصح أن نقدم قول أحد à la qawli Allahi ta'ala wa qawli nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'est pas correct de faire prévaloir la parole de quiconque à celle d'Allah le Très-Haut, ainsi que celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. فنحن من خلال هذه الأحاديث الأربعة عشر التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب سنحاول أن نتعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc nous, par ces 14 hadiths que l'auteur a cités dans ce sous-chapitre, nous allons essayer d'apprendre comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Fait qu'on a le mu'allif. Et donc l'auteur il nous dit An Abi Hurairah radiallahu anha Kole kane Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Iza kabbara sakata hunayhatan Qabla an yakra Fakultu ya Rasulallah بأبي وأنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ Et donc l'auteur il nous dit selon Abi Hurairah radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il pratiquait le takbir, donc il commence la prière, il dit Allahu Akbar, il se taisait, il faisait donc il faisait acte de silence, il se taisait un peu, quelque temps, hunayhatan. Hunayhatan, ça nous montre vraiment un tout petit temps. Il se taisait un petit temps. Avant de commencer à réciter. Alors j'ai dit, donc c'est Abu Huraira, il nous dit, alors j'ai dit, ô messager d'Allah, je donne mon père et ma mère en rançon pour toi. Vois-tu ton silence entre le takbir et la récitation? Qu'est-ce que tu dis? Metakoul, qu'est-ce que tu dis? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant Akul, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil-ma'i wath-thalj wal-barad. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu à Abi Huraira en disant, je dis, ô Allah, éloigne-moi de mes péchés de la même façon que tu as éloigné l'ouest et l'est. Éloigne-moi de mes péchés de la même façon que tu as éloigné l'ouest et l'est. Et naprini, purifie-moi de mes péchés de la même façon qu'on purifie le vêtement blanc, le vêtement blanc de toute souillure. Ô Allah, lave-moi avec l'eau, la glace et la neige, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فهذا الحديث فيه حرص الصحابة على التعلم فإن أبا هريرة رضي الله عنه لعله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا في سكوته وذلك بحركة لحيته فسأله هذا السؤال ليستفيد وليفيد المسلمين. Et donc Abu Huraira radiallahu anhu, premièrement on voit dans ce hadith l'effort que faisaient les sahaba, les compagnons, pour apprendre la religion. Ils vont demander, ils vont poser des questions, ils veulent savoir. Abu Huraira ici, il se peut qu'il ait su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cet instant de silence, il disait quelque chose. Pourquoi? Comment? Parce qu'il voyait justement la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui bougeait. Or, il ne disait rien. Alors il a demandé, ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu dis? Tout ça afin de profiter lui-même et de faire profiter aux musulmans. Et c'est ça qu'on voit. Le comportement des compagnons et le comportement qu'on doit avoir. Chercher à apprendre et chercher à enseigner aux autres. وكذلك في هذا الحديث استحباب دعاء الاستفتاح بعد التكبير كما قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. Et donc, il y a dans ce hadith le fait qu'il est recommandé de faire l'invocation d'ouverture après takbir. Comme c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Vous allez me dire, mais tu n'as pas cité l'imam Malik. Je vais dire, na'am. Faqad ra'a qala l'imam Malik rahimahullah bi'adam istihbab du'a al-istiftah. L'imam Malik rahimahullah, il dit que il n'est pas recommandé donc de faire cette invocation d'ouverture. Mais tu fais le takbir et ensuite la récitation. Le takbir et ensuite la récitation. Fait Ibn al-Mulaqqin rahimahullah قال في شرحه على العمدة ولعله لم تبلغه الأحاديث ولم يجد عملا على وفقه وحديث المسيء صلاته كبر ثم اقرأ لا حجة له فيه لأنه علمه الواجبات انتهى. Ibn al-Mulaqqin rahimahullah, il dit dans son explication de Umdat al-Ahkam, il dit il se peut que l'imam Malik rahimahullah n'ait pas été au courant de ces hadiths, parce qu'il y a plusieurs hadiths avec l'invocation d'ouverture. Et donc il dit, il se peut que l'imam Malik n'ait pas été au courant de ces hadiths, ou alors qu'il n'a pas vu les gens de science agir de telle façon. Et ensuite il dit, et certes le hadith de celui qui accomplissait mal sa prière, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit kabbir thumma qra', fais le takbir, dis Allahu Akbar, et ensuite récite. Il dit, ceci n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que dans ce hadith, le hadith qui est connu comme étant le hadith de celui qui faisait mal sa prière, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à cet homme les obligations de la prière. Il lui enseigne les obligations. Et donc ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que nous on voit ici quelque chose qui est recommandé. Ce n'est pas une obligation le fait de faire l'invocation d'ouverture. Donc ce hadith concerne le hadith de celui qui faisait mal sa prière, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité donc l'invocation d'ouverture. Ce hadith concerne les obligations. Ce hadith concerne les obligations. إذن نتعجب من أناس يتعصبون لمشايخهم وكأن الشيخ لا بد أن يعلم السنة كلها. Et donc nous sommes choqués de voir certaines personnes qui vont s'accrocher aveuglément à leur cheikh. Comme si le cheikh, il doit connaître impérativement toute la sunna. Al-alimu la budda an yafutahu ba'd al-shay, walau kana aliman. Le savant, il est impératif qu'il ignore certains sujets, même si c'est un savant. Et ceci n'est pas une critique. Fanakulu kama qalat al-ulama. Et donc nous disons, comme on dit les savants, il se peut que l'imam Malik rahimahullah n'ait pas été au courant de ces ahadiths. Il est important de ne pas s'accrocher aveuglément aux gens de science. C'est un imam, l'imam Malik, une montagne. Mais s'il se trompe, ou alors s'il dit quelque chose qui est contraire à la sunna, alors nous disons, l'imam Malik s'est trompé. رحمه الله تعالى. ومن الأمور التي يحسن فهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت من أجل الدعاء. Et parmi les choses qu'il est important de savoir est que le prophète صلى الله عليه وسلم ici il se taisait pour invoquer. فسكوته ليس دليلا على أن الإمام ينبغي له أن يسكت بعد التكبير حتى يقرأ المأموم الفاتحة. Et donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se taisait ici après le takbir, ceci n'est pas une preuve qui montre que l'imam il doit se taire pour laisser le temps à ceux qui prient derrière lui de réciter le Fatiha. Parce qu'ils doivent réciter le Fatiha avant que lui, il ait commencé à réciter, afin que eux, pendant que l'imam récite, à ce moment-là, ils écoutent, parce qu'ils ont déjà récité. Non, il n'y a pas de preuve sur ça, sur le fait que l'imam il doit se taire après le takbir pour laisser le temps aux gens de réciter le Fatiha. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tué ici pour invoquer. Pour invoquer, pour faire une invocation, cette invocation que vous avez tous entendue. فأما الدعاء المذكور في الحديث en ce qui concerne l'invocation qui a été citée dans le hadith اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب oh Allah éloigne-moi de mes péchés de la même façon que tu as éloigné l'est et l'ouest فهذا يفيد المغفرة من الذنوب et ceci montre ou indique le pardon des péchés. L'éloignement entre l'individu et ses péchés, cela signifie le pardon des péchés. Wa qala ba'du ahli al-'ilm bal al-murad al-murad huna al-'ismatu min adh-dhunub fi al-mustaqbal aw min athari adh-dhunub fi al-mustaqbal li'anna an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam qala ba'd dhalik ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وهذا الجزء الثاني هو بمعنى المغفرة من الذنوب et certains savants ils ont dit non ce n'est pas le pardon qui est voulu quand le prophète il parle de l'éloignement ce qui est voulu ici c'est le fait d'être préservé d'accomplir des péchés dans le futur les péchés ils sont loin. Donc c'est le fait d'être préservé d'accomplir des péchés dans le futur ou alors le fait d'être préservé des conséquences des péchés dans le futur. Pourquoi ? Ils disent parce que le prophète, après avoir dit ça, il nous dit, oh, il dit, oh Allah, et purifie-moi de mes péchés de la même façon que le vêtement blanc est purifié de la souillure. Et donc ils disent, et ce qui est voulu ici, ça, la purification, c'est le pardon. Et donc au début, le fait d'être préservé dans le futur et ensuite le pardon concernant les péchés passés. Le pardon concernant les péchés passés. وَتَأَمَّلُوا فِي حَالَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Et méditez, ô mes frères, concernant la situation du prophète صلى الله عليه وسلم. Allah, il a dit quoi ? Il a dit quoi concernant le prophète صلى الله عليه وسلم ? Il a dit « إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا » Certes, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Al-Hudaybiyah. Nous t'avons accordé une victoire éclatante. Liyaghfir lak Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Afin que Allah puisse te pardonner tes péchés passés et futurs. Fa hadhihi hiya halatuhu. وَمَعَ ذَلِكَ يُكْثِرُ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ Voilà la situation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Malgré ça, il continue à implorer le pardon d'Allah, azza wa jal. فَمَذَا نَقُولُ نَحْنُ Que devons-nous dire, nous, avec tous nos péchés, مَعَ ذُنُوبِنَا الْكَثِيرَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَيُّهَا الْإِخْوَى أَنْ يَتْرُكَ الْإِسْتِغْفَارِ Il n'est pas convenable que le musulman délaisse la demande du pardon. Il n'est pas convenable. Le prophète, il a été pardonné. Il demandait pardon. Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons tous les jours demander pardon pour nos péchés. Tous les jours. Amma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Allahumma aghsilni min khataayaya bil ma'i wa thalj wal barad. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à la fin de cette invocation, il dit « Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, lave-moi de mes péchés avec l'eau, la glace et la neige. » قالت العلماء كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ثلاثة إلى أسباب ثلاثة لمغفرة الذنوب وهذا أبلغ في طلب المغفرة. Ils disent comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il fait allusion à trois causes pour demander pardon. Et ça, c'est encore plus prononcé dans la demande de pardon. Et ça nous rappelle un verset que beaucoup connaissent. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, et efface nos péchés. Waghfir lana, pardonne-nous. Warhamna, et fais-nous miséricorde. Trois causes de pardon. Fa inna hadhihi al-umur al-thalatha kullaha tufidu maghfirat adh-dhunub. Car ces trois éléments qui ont été cités dans le verset vont tous les trois indiquer le pardon des péchés. De la même façon que dans les trois éléments qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend la purification. Et donc cela montre justement le fait d'appuyer, d'insister dans la demande de pardon. Dans la demande de pardon. Wa aydan fil hadith anna al-thalj wal barad min الطهورات كما رأيناه في كتاب الطهارة. Et donc il y a aussi le fait dans ce hadith le fait que la glace et la neige font partie des éléments qui sont purs et purifiants, comme on l'a vu dans le chapitre de la purification. Pur et purifiant, ça veut dire quoi? Tahour, ça veut dire quoi? Pur et purifiant, ça implique quoi? Pur et purifiant, que on peut se purifier avec. Tout ça on l'a vu donc dans Kitab al-Tahara, on ne va pas trop étaler le sujet. Et dernièrement, le dernier point qu'on voit aujourd'hui, جاءت أحاديث أخرى بألفاظ أخرى في دعاء الاستفتاح. Il y a d'autres hadiths qui ont été cités avec d'autres termes concernant l'invocation d'ouverture. Comme ce qu'a cité Abu Daoud dans son Sunan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Ça aussi, c'est une autre invocation d'ouverture en début de la prière. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Wal muslim yanbaghi lahu an yughayyir. Et donc le musulman, il est important, il est convenable qu'il change l'invocation de temps en temps. Fa taratan yad'u bi hadha wa taratan ukhra yad'u bi du'a'in akhar. Et donc parfois, il va invoquer avec une certaine invocation et d'autres fois, il va invoquer avec une autre invocation. Pourquoi? Afin que son cœur soit toujours présent lorsqu'il invoque. Parce que vous remarquez que parfois, à force d'invoquer tout le temps avec la même invocation, tu es là, juste tu récites. Tu as l'habitude. Tu sais même plus ce que tu dis. Juste tu récites. Mais là, en changeant de temps en temps, tu vas rester concentré dans ce que tu dis. Comme ont dit certains savants, on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله.